Backshot, c'est un position show. Top pression, donc ça cala de glow. Hey, non, ou ni lo lobby. Moi, pas ni ça, et n'a style, faut que je fasse ça. Gliss, bagay la lisse. Gliss, so me like it. Gliss, bagay la lisse. Ou pas katan, gal, so me like it. Now, gliss, bagay la lisse. Gliss, so me like it. Gliss, bagay la lisse. Ou pas katan, gal, so me like it. Backshot, c'est en position show. Si ou show, moi ka ba ou glow. Tout moun ka di ou c'est en forme show. Fini pour moi ba ou koute mambo. I can swim, men man ba glow. En par macho, en ke ba ou li show. Même si fesse la glow. Fesse a pété, bo. Femme fesse a gliss. Bagay la lisse. Gliss. So me like it. Gliss. Bagay la lisse. Ou pas katan gal, so me like it. Now gliss, bagay la lis. Gliss, so me like it. Gliss, bagay la lis. Ou pas katan gal, so me like it. Goosom.